Moi juste une autre chanson, pas ce que tu préfères. Un musicien de rue, c'est l'amour qui de la rue, c'est l'amour. A fait son théâtre. Je suis un verre d'eau froide qui se réchauffe dans les mains. Moi je suis l'amour, c'est l'amour. Je suis les filles, c'est l'amour. Et tu regardes. Toi, moi. Toi, moi.